Ouais. Aujourd'hui dire fils de pute, c'est moins grave qu'allons enfants de la patrie. On affiche un but, mais les jeunes oublient souvent de faire le tri. Faut mieux connaître le prix, au lieu de passer le temps à pousser des cris. Quand on n'a même pas conscience de ce qu'on décrit. Toi tu te plains, la France tu la renies, t'es bien avec le RMI. Mais regarde ton gain dans quelle bombe tu l'as remis. Pire, quand tes parents se le remplissent la marmite. Dire que la CAF c'est être plus qu'un gosse qui vit comme un ermite. Toi et moi c'est la même, la France on la connaît avec ses torts, son hypocrisie. Confond pas l'huissier, celui qui saisit. Si c'est ghetto, avec télé par câble internet. Arrête tes blagues, ici on ne juge aux valeurs de la basket. On crève pas de faim, on insulte la police et même le président. Je veux qu'on puisse voter avec des cartes de résident. Faut arrêter la répression, messieurs les dirigeants, nouvelle génération. C'est vrai qu'on a plein d'exigences. Quand on a plus faim, qu'on commence à se plaindre. La faim justifie les moyens, rien n'est jamais simple. Ici on passe trop de temps à feindre et se mentir. On veut pas devenir esclave de leur empire. C'est quand on a plus faim qu'on commence à se plaindre. La faim justifie les moyens, rien n'est jamais simple. C'est le drapeau blanc que la France devrait brandir. Et on crache sur le pays qui nous a vu grandir. Au fond ici regarde, y'a même des airs de paradis. Fais pas le mytho, on taffe pas, on prend le RMI. J'ai jamais vu ça nulle part, et combien j'en connais. Chaque mois découvert, qui vivent sur le compte de la solidarité. Alors faut nuancer ce qu'on dit, au lieu de tout le temps se plaindre. Tout le temps feindre pour tout prendre et dire qu'y a rien à attendre. Je te parle pas des trois têtes de con qui nous montent dans les émissions de la une. Tous ces clichés, ça c'est leur lacune. Vas-y, si tu peux quasi insulter les ministres, narguer les képis. Ailleurs devant la milice, sur sera ton seul répit. Râle pas que t'es l'acédique, tu vis avec les acédiques. Pareil que c'est deal qu'on passe avec eux quand on vend pas assez de disques. Bien sûr qu'il y a de la censure et les pressions. Mais si t'écoutes steak, c'est grâce à la liberté d'expression. La régression, elle est autant dans les lois que dans nos têtes. Dans l'état que dans nos têtes, sur les comptoirs que dans la c'est presse. C'est quand on a plus faim qu'on commence à se plaindre. La faim justifie les moyens, rien n'est jamais simple. Ici on passe trop de temps à feindre et se mentir. On veut pas devenir esclave de leur empire. C'est quand on a plus faim qu'on commence à se plaindre. La faim justifie les moyens, rien n'est jamais simple. C'est le drapeau blanc que la France devrait brandir. Et on crache sur le pays qui nous a vu grandir. Y'a des pensées toutes faites et ceux qui les combattent comme le MIB. Défendre la France d'en bas mais qu'on s'emboîte dans la même idée. Tu critiques, tu vois pas plus loin que le bout de ton rôle. Va faire un tour ailleurs et on verra si t'as le cran de jouer un autre rôle. Ici on t'épaule. On vit même à crédit quand les temps sont raides là-bas. C'est pire que le pire qu'on nous prédit. Je vois les consciences grandir. Honnête, j'ai le grand de dire qu'on a un certain train de vie correct, faut pas se mentir. Tu craches dans la soupe, mais t'as ta part du gâteau. On est privilégié. Demande à mes potes venus par bateau. Eh, hey, dis-moi, ça te choque ce qu'on dit ou quoi? Et si tu devais tout perdre, t'y as pensé au moins une fois. Se arracher à leur terre par la double peine. Leur seul désir, c'est de revenir avec nous dans la merde. Alors ça veut dire quoi? Hein, ça veut dire quoi? Y'a pas que des mauvaises choses ici. C'est quand on a plus faim qu'on commence à se plaindre. La faim justifie les moyens, rien n'est jamais simple. Ici on passe trop de temps à feindre et se mentir. On veut pas devenir esclave de leur empire. C'est quand on a plus faim qu'on commence à se plaindre. La faim justifie les moyens, rien n'est jamais simple. C'est le drapeau blanc que la France devrait brandir. Et on crache sur le pays qui nous a vu grandir.